Chapitre 2. Jésus naquit à Bethléem, ville du pays de Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants qui observaient les étoiles vinrent de l'Est et arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent : Où est l'enfant qui vient de naître et qui sera le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître à l'Est et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut très inquiet, ainsi que tous les habitants de Jérusalem. Il assembla tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi de son peuple, et leur demanda où devait naître le Messie. Ils lui répondirent : À Bethléem, ville de Judée. Car voici ce que le prophète a écrit : Et toi, Bethléem du pays de Judée, tu n'es certainement pas le moins important des chefs-lieux de Judée, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors Hérode appela en secret les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant : « Allez et cherchez bien l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée à l'est. Elle allait devant eux, mais au moment où elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie lorsqu'ils virent l'étoile. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils se mirent à genoux et adorèrent l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Après que les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. Joseph se leva donc, prit l'enfant et sa mère, et partit avec eux pendant la nuit pour l'Égypte. Il y resta jusqu'au jour où Hérode mourut. Cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète : J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Quand Hérode se rendit compte que les savants l'avaient trompé, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer tous les garçons de Bethléem et des environs, âgés de 2 ans ou moins, selon ce qu'il avait appris des savants au sujet du moment où l'étoile était apparue. Alors se réalisa ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie : On a entendu un cri à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants, elle ne veut pas être consolée, car ils sont morts. Quand Hérode fut mort, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte. Il lui dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui cherchaient à faire mourir l'enfant sont morts. Joseph se leva donc, prit l'enfant et sa mère, et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit que le fils d'Hérode, Archélaüs, avait succédé à son père comme roi de Judée. Alors il eut peur de s'installer dans cette région. Après avoir reçu des indications dans un rêve, il partit pour la province de Galilée et alla s'établir dans une ville appelée Nazareth. Il en fut ainsi pour que se réalise cette parole des prophètes : Il sera appelé Nazaréen.